Pleurs et fureurs, par Clarisse Cendre. À bas de l'humanité les malfrats, de la médecine les renégats, du chantage les rois, de l'ignorance la mauvaise foi, les chantres les gros bras, de la bonne conscience la voix, de l'efficience les braves et fiers petits soldats, de l'arrogance la suffisance, ah les fades, les rats! Donneur de leçons, jamais de solution. À la curiosité absolument étranger et farouchement opposée. Réponse toute faite, toujours prête, à des questions que jamais il ne se pose. Jamais il n'ose se remettre en cause. Jamais il ne propose, il dispose. Vous connaissez vos droits, mais pour nous, c'est comme ça ou basta. Rectitude de l'attitude, des habitudes, des certitudes. Véritable. Insupportable et fatale servitude. Triste et accablant constat pour les patients, les souffrants, de la maladie et les forçats. Résultat, noir désespoir, amère colère. Toujours le vain et lassant combat, la révolte encore une fois. L'absolution pour ces sauvages aux blancs et trompeurs ramages, leurs messages sans cœur et leurs ravages. Trublion, libre électron, je ne suis pas assez sage. Je hais et fuis les cages. Au sauvetage de mon âme je turbine, mais d'excuses trop radines, le pardon je décline. Un chasseur de primes. Baramine ou carabine? Non, je me débine, préférant mes pauvres rimes au crime. Peine et grief je serine, du mal cherche la racine, du film sans cesse repasse la bobine. Spleen et stress traumatique me tracasse et me fracasse. Je les caillasse et tabasse à coups de refrain et dessin. Subterfuge acrobatique, refuge psychédélique et chromatique. Victime gothique, je déprime ou m'escrime. Sublime et divin, les médecins foireux, soi-disant, triment en vain, mais surtout frime sans fin. Exception rarissime, faire un vœu. Je m'exprime un peu, beaucoup, par énigme, pour ne pas finir dans le trou, dans l'abîme. D'en sortir, la chance serait infime. Au cime, mon désespoir culmine. De colère, je fulmine. De rage, mes larmes dégoulinent. Mots intimes, mots ultimes. Symboliques, emblématiques, psychiques ou somatiques. Débat problématique aux réponses et conséquences merdiques. Pardon pour le mot scatologique si peu poétique. Je n'en ai pas trouvé d'angélique ou féerique. Souhaitons qu'il ne soit pas prophétique. En absence de baguette ou formule magique, c'est mon SOS, ma tragique supplique. Clarisse Cendre, le 17 février 2024.